Dans la rue des Blancs-Manteaux, ils ont élevé des tréteaux. Et mis du sang dans un seau, et c'était un échafaud. Dans la rue des Blancs-Manteaux, Monsieur, monsieur, avez-vous un miroir? Un miroir? Une glace de poche, n'importe quoi. Mais si vous me laissez seule, procurez-moi moi une glace. Moi, j'ai une glace dans mon sac. Tiens, j'y ai plus. Ils ont dû me l'ôter au greffe. Oh, comme c'est ennuyeux. Il y a 6 grandes glaces dans ma chambre à coucher. Tiens, je les vois. Je les vois, mais elles ne me voient pas. Elles reflètent le tapis, la causeuse, la fenêtre. Comme c'est vide une glace où je ne suis pas. Quand je parlais, je m'arrangeais toujours pour qu'il y en ait une où je puisse me regarder. Je parlais, je me voyais parler, je me voyais comme les gens me voyaient. Ça me tenait éveillée. Oh, mon rouge! Je suis sûre que je l'ai mis de travers. Je peux tout de même pas rester sans glace toute l'éternité. Voulez-vous que je vous serve de miroir? Venez, je vous invite chez moi. Asseyez-vous sur mon canapé. Mais... Ne nous occupons pas de lui. Mais nous allons nous faire du mal, c'est vous qui l'avez dit. J'ai l'air de vouloir vous nuire. Bah, on ne sait jamais. Toi qui me feras du mal, qu'est-ce que ça peut faire? Puisqu'il faut souffrir autant que ce soit par toi. Assieds-toi. Proche-toi. Encore. Regarde dans mes yeux. Est-ce que tu t'y vois? Je suis toute petite. Je me vois très mal. Je te vois, moi, toute entière. Pose-moi des questions. Aucun miroir ne sera plus fidèle. Monsieur. Monsieur, nous ne vous ennuyons pas par notre bavardage. Laisse-le, il ne compte plus. Nous sommes seuls. Interroge-moi. Bah, est-ce que j'ai bien mis mon rouge à lèvres? Tu vois? Pas trop bien. Ça, je m'en doutais. Heureusement. Enfin, heureusement que personne ne m'a vu. Bah, je recommence. C'est mieux. Non. Essuie le dessin des lèvres. Je vais te guider. Là, là, c'est bien. Aussi bien que tout à l'heure quand je suis entrée. C'est mieux, plus lourd, plus cruel. Ta vraie bouche, ta bouche d'enfer. Oh, et c'est bien. Oh, c'est agaçant, je ne peux plus juger par moi-même. Vous me jurez que c'est bien. Tu ne veux pas qu'on se tutoie? Tu me jures que c'est bien? Tu es belle. Mais avez-vous du goût? Avez-vous mon goût? Oh, c'est agaçant, c'est agaçant. J'ai ton goût puisque tu me plais. Regarde-moi bien. Est-ce que je ne vaux pas mieux qu'un miroir? Je sais pas, vous m'intimidez. Mon image dans les glaces était apprivoisée, je la connaissais si bien. Ah, je vais sourire. Et mon sourire ira au fond de vos prunelles et Dieu sait ce qu'il va devenir. Mais qui t'empêche de m'apprivoiser? Je ne veux décidément pas me tutoyer. Oh. J'ai de la peine à tutoyer les femmes. Et particulièrement les employés des postes, je suppose. Qu'est-ce que tu as là, au bas de la joue? Une plaque rouge? Une plaque rouge? Quelle horreur, où ça? Là, là, je suis le miroir aux alouettes, ma petite alouette, je te tiens. Il n'y a pas de rougeur, pas la moindre, hein? Et si le miroir se mettait à mentir? Ou si je fermais les yeux, si je refusais de te regarder? Me ferais-tu de toute cette beauté? N'aie pas peur. Il faut que je te regarde. Mes yeux resteront grands ouverts. Et je serai gentille, tout à fait gentille. Mais tu me diras-tu? Je te plais? Beaucoup. Je voudrais bien qu'il me regarde aussi. Parce que c'est un homme. Vous avez gagné, garçon. Mais regardez-la donc! Je vais pas cette comédie, vous n'avez pas perdu un mot de ce que nous disions. Vous pouvez le dire pas un mot. J'aurais beau m'enfoncer les doigts dans les oreilles, vous bavardiez dans la tête. Allez-vous me laisser à présent, je n'ai pas affaire à vous. Et à la petite, avez-vous affaire? J'ai vu votre manège, c'est pour l'intéresser que vous avez pris vos grands airs. Je vous dis de me laisser, il y a quelqu'un qui parle de moi au journal et je voudrais écouter. Je me moque de la petite, si ça peut vous tranquilliser. Merci. Mais non, je voulais pas être grossier. Mufle! Merde, je vous avais supplié de vous taire. C'est elle qui a commencé. Elle est venue m'offrir son miroir et je ne lui demandais rien. Rien, seulement tu frottais contre lui, tu faisais des mines pour qu'il te regarde. Mais après, je fais des mines, ça vous plaît, mais... Voyez donc pas où nous allons, mais taisez-vous, mon Dieu! Bon, nous allons nous rasseoir bien tranquillement. Nous fermons les yeux et chacun tâchera d'oublier la présence des autres. Oubliez quel enfantillage. Je vous sens jusque dans mes os. Votre silence me crie dans les oreilles. Vous avez beau vous rencogner sur votre canapé, vous êtes partout. Les sons m'arrivent souillés parce que vous les avez entendus au passage. Vous m'avez volé jusqu'à mon visage. Vous le connaissez, je ne le connais pas. Et elle, elle, vous me l'avez volé. Nous étions seuls. Croyez-vous qu'elle voudrait me traiter comme elle me traite? Non, non, ôtez ses mains de votre figure, je ne vous laisserai pas, ce serait trop facile. Resteriez là, insensé, plongé en vous-même comme un Bouddha. J'aurais les yeux clos, je sentirais qu'elle vous dédie tous les bruits de sa vie, qu'elle vous envoie des sourires que vous ne voyez pas, pas de ça. Je veux choisir mon enfer, je veux vous regarder tous mes yeux et lutter à visage découvert. C'est bon, je suppose qu'il fallait en arriver là. Ils nous ont manœuvrés comme des enfants. S'ils m'avaient logé avec des hommes. Les hommes savent se taire. Mais il ne faut pas trop demander. Alors, petite, je te plais. Il paye, tu me faisais de l'œil. Ne me touchez pas. Bon, mais tout nous allait. J'aimais beaucoup les femmes, sais-tu. Elles m'aimaient beaucoup. Ah, mets-toi donc à l'aise, n'ont plus rien à perdre. La politesse, pourquoi Des cérémonies, pourquoi? Entre nous. Et tout à l'heure, nous serons nus comme des vers. Comme des vers. Ah, je vous avais prévenu. Je vous demandais rien. Rien que la paix, un peu de silence. J'avais mis les doigts dans les oreilles. Gomez parlait debout entre les tables. Tous les copains du journal écoutaient. En bras de chemise, je voulais comprendre ce qu'ils disaient. C'était difficile. Les événements de la Terre passent si vite. Est-ce que vous ne pouviez pas vous taire, non? À présent, c'est fini. Il ne parle plus. Ce qu'il pense de moi est rentré dans sa tête. Eh bien, il faudra que nous allions jusqu'au bout. Nus comme des vers. Je veux savoir à qui j'ai affaire. Oh, vous le savez, à présent, vous le savez. Non, tant que chacun nous l'aura pas avoué, pourquoi ils l'ont condamné, nous ne saurons rien. Allez, toi, la petite, commence. Dis-nous pourquoi. Alors, pourquoi? Je vous dis que je l'ignore. Ils n'ont pas voulu me l'apprendre. Oui, je sais. Moi non plus, ils n'ont pas voulu répondre. Mais je me connais. Tu as peur de parler la première. Bon, très bien, je vais commencer. Je ne suis pas très jolie. Ça va, on sait que vous avez déserté. Laissez ça, ne parlez jamais de ça. Je suis ici parce que j'ai torturé ma femme. C'est tout. Pendant 5 ans. Oui, bien entendu, elle souffre encore, tiens. La voilà. Dès que je parle d'elle, je la vois. C'est Gomez qui m'intéresse, c'est elle que je vois. Où est Gomez? Pendant 5 ans. Dis donc, ils lui ont rendu mes effets. Elle est assise près de la fenêtre et elle a pris mon veston sur ses genoux. Le veston aux 12 trous. Le sang dirait de la rouille. Les bords des trous sont roussis. Ah, c'est une pièce de musée. Un veston historique. Et j'ai porté ça. Mais pleureras-tu, finiras-tu par pleurer? Je rentrais saoul comme un cochon, je sentais le vin et la femme. Elle m'avait attendu toute la nuit, elle pleurait pas. Pas un mot de reproche, naturellement, tiens, ses yeux seulement, ses grands yeux. Ça, je ne regrette rien. Je paierai, mais je ne regrette rien. Il neige au dehors. Mais pleuras-tu? C'est une femme qui a la vocation du martyr. Pourquoi l'avez-vous fait souffrir? Parce que c'était facile. Suffisait d'un mot pour la faire changer de couleur. C'était une sensitive. Oh, pas un pleur, pas un proche. Non, non, non, ça... Je l'avais tiré du ruisseau, comprenez-vous. Enfin, voilà. Elle m'admirait trop. Comprenez-vous ça? Non. Moi, on ne m'admirait pas. Ah, ben, tant mieux. Tant mieux pour vous. Tout ça doit vous paraître abstrait. Eh bien, voici une anecdote. J'avais installé chez moi une mulâtresse. Quelle nuit! Ma femme couchait au premier. Elle devait nous entendre. Elle se levait la première, et comme nous faisions la grasse matinée, elle nous apportait le petit déjeuner au lit! Goujat! Mais oui, le goujat bien aimé! Madame, sinon qu'est-ce que je ferais ici? Et vous? Mais j'étais ce qu'ils appellent là-bas une femme damnée. Déjà damnée, n'est-ce pas? Alors, il n'y a pas eu de grosse surprise. C'est tout? Non. Il y a aussi cette affaire avec Florence. Mais c'est une histoire de mort. Trois morts. Lui d'abord, ensuite elle et moi. Il ne reste plus personne là-bas, je suis tranquille. La chambre, simplement. Je vois la chambre de temps en temps. Vide, avec des volets clos. Tiens. Ils ont fini par ôter les scellés. Allouée? Elle est allouée. Il y a un écriteau sur la porte. C'est dérisoire. Trois? Vous avez bien dit trois? Trois. Un homme et deux femmes? Oui. Tiens. Il s'est tué? Lui? Il en était bien incapable. Pourtant, c'est pas faute d'avoir souffert, non? C'était un tramway qui l'a écrasé. Et j'habitais chez eux, c'était mon cousin. Florence était rousse. Rousse. Vous savez, je ne regrette rien, mais ça m'amuse pas tellement de vous raconter cette histoire. Allez, allez, vous l'avez dégoûté de lui. Hein? Petit à petit. Un mot de ci, de là. Par exemple, il faisait du bruit en buvant. Il soufflait par le nez dans son verre. De rien. Oh, c'était un pauvre type vulnérable. Pourquoi soyez-vous? Parce que moi, je ne suis pas vulnérable. C'est à voir. Je me suis glissée en elle. Elle l'a vu par mes yeux. Pour finir, elle m'est restée sur les bras. Nous avons pris une chambre à l'autre bout de la ville. Alors? Alors, il y a eu le tramway. Je lui disais tous les jours, eh bien, ma petite, nous l'avons tuée. Je suis méchante. Oui, moi aussi. Non, vous n'êtes pas méchant, c'est autre chose. Quoi? Je vous le dirai plus tard. Moi, je suis méchante. Ça veut dire que j'ai besoin de la souffrance des autres pour exister. Une torche. Une torche dans l'équerre. Quand je suis seule, je m'éteins. 6 mois durant, j'ai flambé dans son cœur. J'ai tout brûlé. Elle s'est levée une nuit. Elle a été ouvrir le robinet du gaz sans que je m'en doute. Elle s'est recouchée près de moi. Voilà. Mmh. Quoi? Oh, rien. Ça n'est pas propre. Ben non, ça n'est pas propre. Bien prêt. Oui, vous avez raison. Bon, alors à toi, qu'est-ce que tu as fait? Je vous ai dit que je n'en savais rien, j'ai beau m'interroger. Bon, eh bien on va t'aider. Ce type au visage fracassé, qui est-ce? Quel type? Non, tu le sais bien, celui dont tu avais peur quand tu es entré. Mais c'est un ami. Pourquoi avais-tu peur de lui? Vous n'avez pas le droit de m'interroger. C'est-tu à cause de toi? Mais non, vous êtes folle. Alors, pourquoi te faisait-il peur? Il s'est lâché un coup de fusil dans la figure, hein? C'est ça qui lui a emporté la tête. Taisez-vous! À cause de toi, à cause de toi. Un coup de fusil à cause de toi. Laissez-moi tranquille, vous me faites peur. Je vais m'en aller. Oui, va-t'en, moi je demande pas mieux, seulement la porte est fermée de l'extérieur. Vous êtes ignoble. Parfaitement ignoble. Alors donc, ce type s'est tué à cause de toi, c'était ton amant? Bien entendu, c'était son amant, il a voulu l'avoir pour lui tout seul, ce n'est pas vrai? Il dansait le tango comme un professionnel, mais il était pauvre, j'imagine. On te demande s'il était pauvre? Oui, il était pauvre. Et puis tu avais ta réputation à garder, hein? Un jour il est venu, il t'a supplié, tu as rigolé. Ah, tu as rigolé, c'est pour ça qu'il s'est tué. C'est avec ces yeux-là que tu regardais Florence? Oui. Vous n'y êtes pas du tout. Vous voulez me faire un enfant. Là, vous êtes content? Et toi, tu ne voulais pas? Non. L'enfant est venu tout de même. Je suis allée passer 5 mois en Suisse. Personne n'a rien su. C'était une fille. Roger était près de moi quand elle est née. Ça l'amusait d'avoir une fille. Pas moi. Après? Il y avait un balcon au-dessus d'un lac. J'ai apporté une grosse pierre. Il criait, « Estelle, je t'en prie, je t'en supplie. » Je le détestais. Il a tout vu. Il s'est penché sur le balcon. Et il a vu les ronds sur le lac. Après? C'est tout. Je suis rentrée à Paris, lui, il a fait ce qu'il a voulu. Il s'est fait sauter la tête. Oui, ça n'en valait pas la peine. Mon Marie ne s'est jamais doutée de rien. Oh, je vous hais! Je suis là! Je suis là! Si vous saviez comme je vous hais! Oh, inutile, inutile! Et si les larmes ne coulent pas? Ouais, l'enquête est finie, garçon. Pas la peine de faire cette tête de bourreau. De bourreau? Ah, je donnerais n'importe quoi pour me voir dans une glace. Quelle chaleur. Oh, pardon. Vous pouvez rester en bras de chemise à présent. Oui. Faut pas m'en vouloir, Estelle. Je ne vous en veux pas. Et à moi? Tu m'en veux à moi? Oui. Eh bien, garçon, voilà nu comme des vers. Y voyez-vous plus clair? Je ne sais pas. Peut-être un peu plus clair. Est-ce que nous ne pourrions pas essayer de nous aider les uns les autres? Je n'ai pas besoin d'aide. Ignace, ils ont brouillé tous les fils. Si vous faites le moindre geste, si vous levez la main pour vous éventer, Estelle et moi... Ils l'ont loué. Les fenêtres sont grandes ouvertes, un homme est assis sur mon lit. Ils l'ont loué, ils l'ont loué. Mais entrez, entrez, ne vous gênez pas. C'est une femme. Elle va vers lui. Est-ce qu'ils vont s'embrasser? Cette chambre est à moi. Elle est à moi. Pourquoi n'allume-t-il pas? Je ne peux plus les voir. Qu'est-ce qu'il chuchote? Est-ce qu'il va la caresser sur mon lit? Elle lui dit qu'il est midi, qu'il fait grand soleil. Alors c'est que je deviens aveugle. Fini. Plus rien. Je ne vois plus. Je n'entends plus. Bien, je suppose que j'en ai fini avec la terre. Plus d'alibi. Présent, je suis tout à fait morte. Tout entière ici. Vous parliez de m'aider, je crois. Oui. À quoi? À déjouer leur ruse. Et moi, en échange? Vous m'aiderez. Il faudra peu de choses, Inès. Tout juste un peu de bonne volonté. La bonne volonté. Voulez-vous que j'en prenne? Je suis pourrie. Et moi, tout de même, si nous essayons. Je suis sèche. Je ne peux ni recevoir, ni donner. Comment voulez-vous que je vous aide? Une branche morte, le feu va s'y mettre. Florence était rousse. Est-ce que vous savez que cette petite sera votre bourreau? Peut-être bien que je m'en doute. C'est par elle qu'ils vous auront. En ce qui me concerne, je ne lui prête aucune attention, mais si de votre côté... Quoi? C'est un piège. Il vous guette pour savoir si vous y laisserez prendre. Je sais. Vous, vous êtes un piège. Croyez-vous qu'ils n'ont pas prévu vos paroles? Tout est piège. Mais qu'est-ce que ça me fait? Moi aussi, je suis un piège. Un piège pour elle. C'est peut-être moi qui l'attraperai. Mais vous n'attraperez rien du tout. Nous courons après comme des chevaux de bois sans jamais nous rejoindre. Laissez tomber, Inès. Ouvrez les mains. Lâchez prise. Sinon, vous ferez notre malheur à tous les trois. Est-ce que j'ai une tête à lâcher prise? Je sais ce qui m'attend, je vais brûler, je brûle. Et je sais qu'il n'y aura pas de fin, je sais tout. Croyez-vous que je lâcherai prise? Je l'aurai. Elle vous verra par mes yeux, comme Florence voyait l'autre. Qu'est-ce que vous venez me parler de votre malheur? Je vous dis que je sais tout et que je ne peux pas avoir pitié de moi. Un piège, un piège. Naturellement, je suis prise au piège, et puis après, tant mieux s'ils sont contents. Moi, je peux avoir pitié de vous, regardez-moi. Nous sommes nus, nus jusqu'aux os, je vous connais jusqu'au cœur. C'est un lien. Croyez-vous que je voudrais vous faire du mal? Je ne regrette rien, je ne me plains pas. Moi aussi, je suis sec. Mais de vous, je peux avoir pitié. Ne me touchez pas! Je déteste qu'on me touche. Gardez votre pitié. Allons, garçon, il y a beaucoup de pièges pour vous dans cette chambre. Pour vous, préparés pour vous. Vous feriez mieux de vous occuper de vos affaires. Si vous nous laissez tout à fait tranquille, la petite et moi, je ferai en sorte de ne pas vous nuire. C'est bon. Au secours, garçon. Où voulez-vous? Moi, vous pouvez m'aider. Adressez-vous à elle. Mais je vous en supplie, vous m'avez promis. Garçon, vous m'avez promis. Mais je ne veux pas rester seule. Olga l'a emmenée au dancing. Qui a-t-elle emmenée? Pierre. Ils dansent ensemble. Qui est Pierre? Un petit niais. Il m'appelait sur nos vives. Il m'aimait. Tu l'aimes? Mais non, naturellement que non. Je ne l'aimais pas. Il a 18 ans. Alors laisse-la. Qu'est-ce que ça peut te faire? Il était à moi. Rien n'est plus à toi sur la terre. Il était à moi. Oui, il était. Essaie de le prendre, essaie de le toucher. Olga peut le toucher, elle, n'est-ce pas? Elle peut lui tenir les mains, lui frôler les genoux. Elle pousse contre lui son énorme poitrine. Elle lui souffle dans la figure. Un peu petit pousset, pauvre petit pousset, mais qu'attends-tu pour l'éclater de rire au nez ? Il m'aurait suffi d'un regard, elle n'aurait jamais osé. Est-ce que je ne suis vraiment plus rien ? Plus rien ? Il n'y a plus rien de toi sur la terre, tout ce qui t'appartient est ici. Veux-tu le coupe-papier, le bronze de Barbedienne, le canapé bleu est à toi. Et moi, mon petit, moi je suis à toi pour toujours. À moi ? Eh bien, lequel de vous deux oserait m'appeler son eau vive ? On ne vous trompe pas, vous autres, vous savez que je suis une ordure. Pense à moi, Pierre. Ne pense qu'à moi, défends-moi. Tant que tu penses mon eau vive, ma chère eau vive, je ne suis ici qu'à moitié, je ne suis qu'à moitié coupable. Je suis eau vive là-bas près de toi. Elle est rouge comme une tomate. Mais voyons, c'est impossible, nous avons 100 fois ri d'elle ensemble. Qu'est-ce que c'est que cet air-là ? Je l'aimais tant. Ah oui, c'est Saint-Louis Blues. Eh bien, dansez, dansez ! Garçon, vous amuseriez si vous pouviez la voir. Elle ne saura donc jamais que je la vois. Mais je te vois. Je te vois avec ta coiffure défaite, ton visage chaviré. Je vois que tu lui marches sur les pieds, c'est à mourir de rire. Allez, plus vite ! Plus vite ! Il la tire, il la pousse, c'est indécent. Allez, plus vite ! Il me disait, vous êtes si légère. Mais je te dis que je te vois. Elle s'en moque, elle danse à travers mon regard. Notre chère Estelle. Quoi, notre chère Estelle ? Oh, tais-toi, tu n'as même pas versé une larme aux obsèques. Oh, mais lui dit notre chère Estelle. Et là, le toupet de lui parler de moi. Allez, en mesure ! Mais qu'est-ce... Non, non, ne lui dis pas. Je te l'abandonne, emporte-le, garde-le, faisant tout ce que tu voudras, mais ne lui dis pas. Bon. Eh ben, tu peux le garder à présent. Elle lui a tout dit, garçon. Roger, le voyageur en Suisse, l'enfant, elle lui a tout raconté. Notre chère Estelle n'était pas. Ah non, en effet, je n'étais pas. Bien, garde-le. Il m'appelait son eau vive, son cristal. Mieux, le cristal est en miettes. Oh, je donnerais tout au monde pour revenir sur terre un instant. Un seul instant et pour danser. J'entends plus très bien. Pourquoi joue-t-il en sourdine ? Plus fort ? Oh. Je n'entends plus du tout. Jamais plus. La terre m'a quitté. Garçon, regarde-moi, prends-moi dans tes bras. Garçon ! Adressez-vous à elle. Ne vous en allez pas, est-ce que vous êtes un homme ? Mais je vous en supplie, il faut bien que vous regardiez quelque chose. Si ce n'est pas moi, ce sera le bronze, la table, le canapé. Écoute, je suis tombée de leur cœur comme un petit oiseau tombé du nid. Ramasse-moi, prends-moi dans ton cœur. Je vous dis de vous adresser à elle. À elle, mais elle ne compte pas, c'est une femme. Je ne compte pas, mes petits oiseaux, petite alouette. Il y a beau temps que tu es à l'abri dans mon cœur. N'aie pas peur. Je te regarderai sans répit, sans un battement de paupières. Chez-moi donc la paix. Vous avez déjà fait le coup tout à l'heure, vous avez bien vu qu'il a raté. Estelle, mon eau vive, mon cristal. Mon cristal, mais c'est bouffon qui pensait vous tromper. Tout le monde sait que j'ai flanqué l'enfant par la fenêtre. Mais viens, tu seras ce que tu voudras, eau vive, eau sale, tu te retrouveras au fond de mes yeux que tel que tu désires. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu me lâches ? Garçon, vous me le paierez. Alors, tu veux un homme ? Un homme ? Non. Toi ? Oh non, elle est pas d'histoire, n'importe qui ferait l'affaire. Je me suis trouvé là, c'est moi. Bon. Mais rien pour te plaire, tu sais, je ne suis pas un petit niais et je ne danse pas le tango. Je te prendrai comme tu es, je te changerai peut-être. Ah ça, j'en doute. Je serai distrait. J'ai d'autres affaires en tête. Moi, je m'assoirai sur ton canapé, j'attendrai que tu t'occupes de moi. Chienne, un plavante, il est même pas bon. N'écoute pas, elle n'a pas de yeux, elle n'a pas d'oreille, il ne compte pas. Je te donnerai ce que je pourrai. Ce n'est pas beaucoup. Je ne t'aimerai pas, je te connais trop. Est-ce que tu me désires ? Oui. C'est tout ce que je veux. Alors ? Laissez-la, ne la touchez pas avec vos sales mains d'homme. Ça va, je ne suis pas gentilhomme, je n'aurais pas peur de cogner sur une femme. Vous m'aviez promis, garçon, vous m'aviez promis, je vous en supplie, vous m'aviez promis. C'est vous qui avez rompu le pacte. Faites ce que vous voudrez. Vous êtes les plus forts. Mais rappelez-vous, je suis là et je vous regarde. Je ne vous quitterai pas des yeux, garçon. Il faudra que vous l'embrassiez sous mon regard. Comme je vous hais tous les deux. Aimez-vous, aimez-vous. Nous sommes en enfer et j'aurai mon tour. Donne-moi ta bouche. Oh, je t'ai déjà dit de ne pas faire attention à elle. Il s'agit bien d'elle. Gomez est au journal, ils ont fermé les fenêtres. C'est l'hiver. 6 mois. Il y a 6 mois qu'ils m'ont... Ah, cette fois-ci, c'est de moi qu'ils parlent. Ça va durer longtemps. Dis-moi au moins ce qu'ils racontent. Rien. Ils ne racontent rien. C'est un salaud, voilà tout. Un beau salaud. Bon. Revenons à nous. M'aimeras-tu? Qui sait? Auras-tu confiance en moi? Oh, quelle drôle de question. Mets-tu à ma bouche, mes bras, mon corps entier, et tout pourrait être aussi simple. Ma confiance. Faut que tu aies fait un bien mauvais coup pour me réclamer ainsi ma confiance. Mais ils m'ont fusillé. Ah, je sais, tu avais refusé de partir, et puis... Je n'avais pas tout à fait refusé. Il parle bien, il blâme comme il faut, mais il dit pas ce qu'il fallait faire. Allez entrer chez le général et lui dire, mon général, je ne pars pas. Quelle sottise! Il m'a écoffré! Je voulais témoigner, moi, témoigner! Je voulais pas qu'ils étouffent ma voix! J'ai pris le train, ils m'ont pincé à la frontière. Et où voulais-tu aller? À Mexico. Je comptais y ouvrir un journal pacifiste. Eh bien, dis quelque chose. Mais que veux-tu que je te dise, moi? Tu as bien fait, puisque tu ne voulais pas te battre. Oh, mon chéri, je ne peux pas deviner ce qu'il faut te répondre. Mon trésor, il faut lui dire qu'il s'est enfui comme un lion. Car il s'est enfui, ton gros chéri, c'est ça qu'il t'écrit. Il fallait bien que tu t'enfuis. Si tu étais resté, il t'aurait mis la main au collet. Mais bien sûr. Estelle, est-ce que je suis un lâche? Je n'en sais rien, mon amour. Je ne suis pas dans ta peau. C'est à toi de décider. Enfin, tu devais avoir des raisons pour agir comme tu l'as fait. Oui. Eh bien... Est-ce que ce sont les vraies raisons? Oh, est-ce que tu es compliqué? Je voulais témoigner. J'avais longuement réfléchi. Est-ce que ce sont les vraies raisons? Ah, voilà la question. Est-ce que ce sont les vraies raisons? Allons, cherche! Interroge-toi! Ah, tais-toi! Crois-tu que j'ai attendu tes conseils? Je marchais dans ma cellule la nuit, le jour, de la fenêtre à la porte, de la porte à la fenêtre. Je me suis épié. Je me suis suivi à la trace. Il me semble que j'ai passé une vie entière à m'interroger. Et puis quoi? L'acte était là, j'ai pris le train. Voilà ce qui est sûr. À la fin, j'ai pensé, c'est ma mort qui décidera. Si je meurs proprement, j'aurai prouvé que je ne suis pas un lâche. Et comment es-tu mort, garçon? Mal. Oh, c'était une simple défaillance corporelle, je n'en ai pas honte. Seulement, tout est resté en suspens pour toujours. Viens, Lata, regarde-moi. J'ai besoin que quelqu'un me regarde pendant qu'il parle de moi sur Terre. J'aime les yeux verts. Et toi, Estelle, aimes-tu les lâches? Si tu savais comme ça m'est égal, lâche ou non, pourvu qu'il embrasse bien. Tard, ils coupent, ils arrangent à leur gré. Avec le recul, n'est-ce pas, tout simplifie. Et ils m'ont collé sur le dos une étiquette, lâche. Lâche, comme c'est simple. J'étais assis entre eux, j'étais en bras de chemise, je souriais aux histoires de Lopez, et bien à ce moment-là, j'étais un lâche. Je buvais comme un lâche, je dormais comme un lâche, je mangeais comme un lâche. Voilà ce qu'ils ont décidé, eux, mes copains. Ah, vous avez de la chance, vous deux, personne ne pense plus à vous sur Terre. Moi, j'ai la vie plus dure. Et votre femme, garçon? Mais quoi, ma femme? Elle est morte. Ah, oui. J'ai dû oublier de vous le dire. Elle est morte tout à l'heure, il y a 2 mois environ. Le chagrin? Mais naturellement, le chagrin. De quoi voulez-vous qu'elle soit morte? Alors, tout va bien. La guerre est finie. Ma femme est morte. Et je suis entré dans l'histoire. Mon chéri, regarde-moi, mon chéri. Mets ta main sur ma gorge. Laisse-la, ne bouge pas. Ils vont mourir un à un, qu'importe ce qu'ils pensent, oublie-les. Il n'y a plus que moi. Ils ne m'oublient pas, eux. Ils mourront, mais d'autres viendront qui prendront la consigne. Je leur ai laissé ma vie entre les mains. Oh, revenir un seul jour au milieu d'eux, quel démenti. Je leur arracherai ma vie, j'assumerai mon passé. Mais voilà, je suis hors jeu. Ils font le bilan sans s'occuper de moi. Ils ont raison puisque je suis mort. Fait comme un rat. Je suis tombé. dans le domaine public. Garçon. Écoute, tu vas me rendre service. Oui, oui, oui, je sais, ça te semble drôle hein, qu'on puisse te demander du secours. Tu n'as pas l'habitude. Mais si tu voulais, si tu faisais un effort, nous pourrions peut-être nous aimer pour de bon. Vois, ils sont 1000 à répéter que je suis un lâche. Mais qu'est-ce que c'est 1000? S'il y avait une âme, une seule, pour affirmer de toutes ses forces que je n'ai pas fui, que je ne peux pas avoir fui, que j'ai du courage, que je suis propre, je suis sûr que je serai sauvé. Veux-tu être cette âme-là? Veux-tu croire en moi? Tu me serais plus cher que moi-même. Idiot, mes chers idiots! Penses-tu que je pourrais aimer un lâche? Mais tu disais... J'aime les hommes, garçon, les vrais hommes, à la peau rude, aux mains fortes. Mais tu n'as pas le menton d'un lâche, tu n'as pas la bouche d'un lâche, tu n'as pas la voix d'un lâche. Tes yeux ne sont pas ceux d'un lâche. C'est pour ta bouche, pour ta voix, pour tes yeux que je t'aime. C'est vrai? C'est bien vrai? Veux-tu que je te le jure? Alors je les défie tous. Tous ceux de là-bas et ceux d'ici. Estelle, nous sortirons de l'enfer. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne crois pas un mot de ce qu'elle dit. Comment peux-tu être si naïf? Estelle, suis-je un lâche? Si tu sais ce qu'elle s'en moque. Pas, si tu veux avoir confiance, il faut commencer par me donner la tienne. Mais oui, fais-lui donc confiance. Elle a besoin d'un homme, tu peux la croire. D'un brin d'homme autour de sa taille, d'une odeur d'homme, d'un désir d'homme dans des yeux d'homme. Pour le reste, bon, elle te dirait que t'es Dieu le père, si ça peut te faire plaisir. Esther, est-ce que c'est vrai? Réponds. Est-ce que c'est vrai? Veux-tu que je te dise? Moi, je comprends rien à toutes ces histoires. Mais même si tu t'es un lâche, je t'aimerais, là. Ça ne te suffit pas. Oh! Vous me dégoûtez. Mais qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais. Tu n'iras pas loin, la porte est fermée. Il faudra bien qu'il ouvre! Garçon! Va-t'en, tu me dégoûtes encore plus qu'elle. Je ne veux pas m'enliser dans tes yeux. Tu es molle, tu es moite, tu es une pieuvre, tu es un marécage. Allez ouvrir! Garçon, je t'en supplie, ne pars pas. Elle a sorti ses griffes et je ne veux pas rester seule avec elle. Débrouille-toi, je ne t'ai pas demandé de venir. Lâche, lâche! Ah, c'est bien vrai que tu es un lâche. Ouvrez, ouvrez, ouvrez, j'accepte tout. Tout ce qui brûle, tout ce qui déchire, je veux souffrir pour de bon. Plutôt sans morsure, plutôt le fouet, le vitriol, que cette souffrance de tête, ce fantôme de souffrance qui frôle, qui caresse et qui ne fait jamais assez mal. Ouvrirez-vous ! Bien, garçon. Allez-vous-en. Qu'est-ce que vous attendez ? Allez, allez, vite ! Vous savez bien que je n'irai pas. Et toi, Estelle ? Alors lequel? Lequel des trois? La voie est libre qui nous retient? C'est à mourir de rire. Nous sommes inséparables. Inséparables. Garçon, aide-moi, nous la traînerons dehors. Lâche-la.